Premier livre des rois, chapitre 3. Or Salomon s'allia avec Pharaon roi d'Égypte, et prit pour femme la fille de Pharaon, et la mena en la cité de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, et la maison de l'Éternel, et la muraille de Jérusalem tout alentour. Seulement le peuple sacrifiait dans les hauts lieux, parce que jusqu'alors on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Et Salomon aima l'Éternel, marchant selon les ordonnances de David son père, seulement il sacrifiait dans les hauts lieux, et il faisait des parfums. Le roi donc s'en alla à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le plus grand des hauts lieux, et Salomon sacrifia 1000 holocaustes sur l'autel qui était là. Et l'Éternel apparut de nuit à Salomon à Gabaon dans un songe, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon répondit, « Tu as usé d'une grande gratuité envers ton serviteur David mon père, selon qu'il a marché devant toi en vérité, en justice, et en droiture de cœur envers toi, et tu lui as gardé cette grande gratuité de lui avoir donné un fils qui est assis sur son trône, comme il paraît aujourd'hui. Or maintenant, ô Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur en la place de David mon père, et je ne suis qu'un jeune homme, qui ne sait point comment il faut se conduire. Et ton serviteur est parmi ton peuple, que tu as choisi, et qui est un grand peuple qui ne se peut compter ni nombrer, tant il est en grand nombre. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, et pour discerner entre le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, qui est d'une si grande conséquence ? Et ce discours plut à l'Éternel, en ce que Salomon lui avait fait une telle demande. Et Dieu lui dit, parce que tu m'as fait cette demande, et que tu n'as point demandé une longue vie, et que tu n'as point demandé des richesses, et que tu n'as point demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé de l'intelligence pour rendre la justice, voici, j'ai fait selon ta parole, voici, je t'ai donné un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y en a point eu de semblable avant toi, et il n'y en aura point après toi qui te soit semblable. Et même je t'ai donné ce que tu n'as point demandé, savoir les richesses et la gloire, de sorte qu'il n'y aura point eu de roi semblable à toi entre les rois, tant que tu vivras. Et si tu marches dans mes voies pour garder mes ordonnances et mes commandements, comme David ton père y a marché, je prolongerai aussi tes jours. Alors Salomon se réveilla, et voilà le songe. Puis il s'en retourna à Jérusalem, et se tint devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité, et fit un festin à tous ses serviteurs. Alors deux femmes de mauvaise vie vinrent au roi, et se présentèrent devant lui. Et l'une de ces femmes dit, « Hélas, mon seigneur, nous demeurions cette femme-ci et moi dans une même maison, et j'ai accouché chez elle dans cette maison-là. Le troisième jour après mon accouchement cette femme a aussi accouché, et nous étions ensemble, il n'y avait aucun étranger avec nous dans cette maison, nous étions seulement nous deux dans cette maison. Or l'enfant de cette femme est mort la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Mais elle s'est levée à minuit, et a pris mon fils d'auprès de moi, pendant que ta servante dormait, et l'a couché dans son sein, et elle a couché dans mon sein son fils mort. Et m'étant levé le matin pour allaiter mon fils, voilà, il était mort, mais l'ayant exactement considéré au matin, voilà, ce n'était point mon fils, que j'avais enfanté. » Et l'autre femme répondit, « Cela n'est pas ainsi, mais celui qui vit est mon fils, et celui qui est mort est ton fils. » Mais l'autre dit, « Cela n'est pas ainsi, mais celui qui est mort est ton fils, et celui qui vit est mon fils. » Elle parlait ainsi devant le roi. Et le roi dit, « Celle-ci dit, « Celui-ci qui est en vie est mon fils, et celui qui est mort est ton fils. » Et celle-là dit, « Cela n'est pas ainsi, mais celui qui est mort est ton fils, et celui qui vit est mon fils. » Alors le roi dit, « Apportez-moi une épée. » Et on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, « Partagez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant, dit au roi, car ses entrailles furent émues de compassion envers son fils, « Hélas, mon seigneur, qu'on donne à celle-ci l'enfant qui vit, et qu'on se garde bien de le faire mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, qu'on le partage. » Alors le roi répondit, et dit, « Donnez à celle-ci l'enfant qui vit, et qu'on se garde bien de le faire mourir, celle-ci est la mère. » Et tous ceux d'Israël ayant entendu parler du jugement que le roi avait rendu, craignirent le roi, car ils reconnurent qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice.